ils ont bien réussi à montrer que leur police était plus forte que les voyous. Merci, monsieur le ministre. Voyous, voyous, ils sont moins importants que vous, du sable ou même libéraux. Vous donnez le soutien des...